si c'était la première fois. T'inquiète pas, mon amour, je t'aime. Se croise parfois la journée. Il attend lascivement là-bas. Tu n'es plus le seul à qui je plais. Les sourires t'enivrent tant. Ce n'est rien, mon amant. Je t'admire. On doit se voir dans la journée. Je crois qu'il me drague étroitement, mais tu n'es plus le seul qui me désire. Ce matin, ses yeux me l'ont dit. Remets-toi, mon ami. Je t'apprécie. Se rejoindre, j'en ai le désir. M'attire déjà vers son lit. Je rends fou. Sa raison à présent touche le fond. Mais ne t'inquiète pas, mon amour, je t'aime. Je ne le reverrai plus jamais. Effondré, il écrit des chansons.